Ndikomanyanga. Erukwimana sur la mise en onde, bienvenue chers auditrices et auditeurs dans la radio Isanganiroa sur le journal dont voici d'abord le sommaire. Ils demandent d'être rétablis dans leurs droits et que leur drapeau leur soit remis. Ce sont les membres de la coalition Burundi-Bgabo-CE qui se lamentent et accusent certains jeunes Imbonerakure d'avoir descendu 13 drapeaux sur le tronçon Manda-Kizina où se tenait la campagne électorale de cette coalition mardi dernier. Les personnes retraitées de la province Gitega demandent au Parlement qui sera prochainement mis en place de plaider à leur faveur pour qu'ils aient des facilités dans leur vie, notamment la mise en exécution de la promesse du chef de l'État qui date de 2020. 33 entreprises sur 170 déposées par les jeunes des provinces Ngozi, Kayanza et Muyinga, zone d'action du PRODER, ont été sélectionnées par ce projet pour appui. Propos de Ndakijimana, Évariste responsable chargé du développement des entreprises au sein du PRODER au nord du pays. Vous aurez des détails avec Apollinaire Muzagara. Bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Faire recours à la qualité de l'éducation et promouvoir le secteur industriel sont parmi les principes que désire mettre en avant le parti CNL dans les législatives. L'a dit Nestor Girukushaka, le président du parti CNL, dans l'entretien avec la radio-télévision Isanganiro, annonçant le programme politique de son parti une fois élu. Le président de ce parti a ajouté qu'en tant que député représentant de ce parti accompagnera le gouvernement à mettre en œuvre les programmes promis à la population. On l'écoute. Le rôle de l'Assemblée nationale et du Sénat, c'est un rôle moteur dans le pays. Ils doivent se rassurer que l'action gouvernementale se déroule de façon normale dans l'accomplissement des missions que l'État s'est assigné pour pouvoir résoudre les différents défis qui minent ce pays. Ces défis sont multiples. Pour nous, nous les classons en trois niveaux. Le premier niveau concerne le niveau, disons, administratif, le niveau politique, le niveau juridique et la bonne gouvernance. Et puis le deuxième niveau, le niveau économique et le niveau, disons, développement, le niveau financier. Le troisième niveau, ça concerne les questions sociales. Ce que nous allons faire, nous allons essayer de mettre, je dirais, une pression sur le gouvernement pour que tout ce que le gouvernement prévoit de faire en faveur de la population soit fait dans la transparence, dans l'équité, dans la dignité, afin que tout le monde puisse se sentir libre, aisé, puisse se sentir citoyen à part entière dans le pays. Il faut que le pays soit un pays respectable, il faut que ce soit un pays qui respecte ses citoyens, il faut que chacun ait accès à ses droits les plus fondamentaux. Aujourd'hui, le franc burundais se dévalue, se déprécie du lundi au dimanche. C'est anormal que le franc burundais, au niveau de l'échange, sur le marché, le coût du dollar à la banque centrale, il est le tiers du coût du dollar sur le marché noir. C'est pas normal. Vous entendez que le déséquilibre économique commence à ce niveau même. Il faut à tout prix redonner la valeur au franc burundais de manière que cette dépréciation s'arrête. On doit résoudre les questions de production dans le pays. On doit produire à suffisance. Il est vrai, on le chante, que la population burundaise est aisée, qu'il mange à sa satiété. Mais aujourd'hui, beaucoup de monde a peine, disons, accès à un repas par jour. C'est anormal. C'est-à-dire que la production n'est pas suffisante. Ça fait partie des défis majeurs qui doivent être corrigés au niveau des écoles, au niveau de l'éducation. Aujourd'hui, c'est très dommage. L'éducation devait servir à inonder le marché des fonctionnaires ou des personnes hautement qualifiées. Aujourd'hui, l'éducation a baissé de niveau. Une personne peut terminer ses études, vous lui demandez de produire une lettre de demande d'emploi ou bien une lettre officielle. C'est impossible de produire cette lettre. Nous pensons qu'il faut revoir l'enseignement. Il faut revoir le système éducatif aujourd'hui. Il faut revoir même les salaires des enseignants. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de défis qui mènent cette société qui ont besoin de solutions. C'est pourquoi, au niveau du CNL, nous proposons un projet de société qui est capable de résoudre tous ces défis. C'était là Nestor Girukushaka, président du parti CNL, page politique toujours. Les Burundais sont appelés à respecter le droit de l'homme, ceci est dit ce samedi par le secrétaire général du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, dans les cérémonies de clôture de sa campagne électorale, les poules législatives et les communales qui se sont déroulées à l'été. C'est Kamenge, à mairie de Bujumbura. Révérien Dikuriyo a indiqué également que la promotion de la paix et de la sécurité est l'un des projets prioritaires de son parti politique. Ils demandent d'être rétablis dans leurs droits et que leur drapeau leur soit remis. Ce sont les membres de la coalition Burundi Bwabose qui se lamentent et accusent certains jeunes Imbonerakure d'avoir descendu 13 drapeaux sur le tronçon Manda-Kizina où se tenait la campagne électorale de cette coalition mardi dernier. Barthélémy Ngindabanyikwa, représentant communal de la coalition, demande également le respect et la liberté dans cette campagne. Au niveau du CNDD-FDD, il rejette en bloc toutes ces accusations et dit qu'il n'y a aucun problème entre les partis politiques, comme le précise Oscar Sindaigaya, secrétaire communal du parti au pouvoir à Manda. Les détails avec Space Caritas Kamanyana. Quatre drapeaux de la coalition Burundi Bwabose et neuf du parti Sahwanya Frodebu, au total 13 drapeaux qui ont été descendus et emportés par les jeunes Imbonerakure sur la route Manda-Kizina où allait se tenir la campagne électorale de la coalition Burundi Bwabose. Une campagne qui a été répondue par très peu de membres car après la dispute entre les deux partis, certains membres de la coalition Burundi Bwabose ont préféré abandonner et rentrer chez eux. Comme le dit le représentant de la coalition, Barthélémy Ngindabanyikwa, qui est à la tête de cette coalition en commune Manda, déplore les faits et indique qu'il est encore en train d'enquêter sur les noms des présumés auteurs pour saisir la justice. Il fait également savoir que c'est dans cette même place où les Imbonerakure et les membres du CNL se sont attaqués la semaine dernière lors d'une campagne électorale. Oscar Sindaigaya, secrétaire communal du parti au pouvoir en commune Manda, explique que ces accusations sont fausses et précise qu'il y a une bonne cohabitation des partis politiques dans cette commune. Il dit aussi qu'il n'est pas encore au courant du cas de ces drapeaux. Spécialitas Kavanyana en commune Manda pour la radio Isanganiro. Les personnes retraitées de la province Gitega demandent au Parlement qui sera prochainement mis en place de plaider en leur faveur pour qu'ils aient des facilités dans leur vie. Il parlait notamment de faire en sorte que leur pension soit revue à la hausse, à la gratuité des soins et l'exemption de certains impôts et taxes, dont l'impôt foncier. Aussi, ils souhaitent que leur soit accordé le droit d'entrer sans faire la queue dans des banques, dans des structures de soins et de différents bureaux, pour ne citer que cela. Le détail avec Djilani Kila. Les personnes retraitées de Gitega avec qui nous nous sommes entretenus ont laissé entendre qu'ils ont beaucoup à demander au futur Parlement pour qu'ils puissent plaider à leur faveur dans l'optique qu'ils aient des facilités dans leur vie de retraite. À son nouveau Parlement qui sera bientôt mis en place, ils demandent de plaider pour eux dans le domaine de la revue à la hausse de leur pension qui serait presque égale à leur dernier salaire, ce qui leur permettrait de subvenir à tous leurs besoins vitaux. Ils rappellent ainsi la promesse du chef de l'État d'accorder aux personnes retraitées un salaire égal à leur dernier salaire, disant qu'ils ont encore de l'espoir que cette promesse sera fin de fait concrétisée. En outre, les personnes retraitées de Gitega réclament la gratuité de soins, rappelant que telle que la situation se présente aujourd'hui, ils ne reçoivent plus les médicaments chers par protocole, mais plutôt par protocole, ils ne reçoivent que des médicaments moins chers d'un prix inférieur ou égal à 1000 francs seulement. Aussi, ils demandent qu'ils soient exemptés de certains impôts et taxes, notamment l'impôt foncier, suite à leurs faibles moyens financiers. Cela étant, ils réclament le droit de liberté d'entrer sans faire la queue dans différents bureaux, dans des banques et dans des structures de soins, du moment qu'ils n'ont plus la force de s'obtenir debout pendant longtemps. Ils terminent en réclamant l'enterrement digne des personnes retraitées. Une fois décédées, l'État rendra disponible des frais funéraires est suffisant dans la mesure où la plupart des personnes retraitées meurent étant dans des conditions financières médiocres. Depuis Gitega, j'ai Anibigira pour la radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Asseoir la démocratie dans le pays à travers les élections crédibles, transparentes et apaisées et partager les expériences en vue d'établir un standard sous-régional de grande qualité sont parmi les engagements du président du réseau des organes de gestion des élections de l'Afrique centrale, élu hier après l'Assemblée générale constitutive qui a réuni les 9 pays membres de ce réseau à Bujumbura. Denis Kazadi Kadima, qui représentait la commission électorale indépendante en RDC, précise qu'en échangeant les expériences, ça va leur permettre d'améliorer leur façon de faire. Suivez Denis Kazadi Kadima. Vous savez, nous sommes des commissions électorales ou bien des organes de gestion des élections. D'une façon générale, nous faisons face à des problèmes qui sont assez semblables. Parce que les élections ne sont pas que techniques, c'est-à-dire les opérations, la logistique, mais il y a aussi les aspects politiques, les aspects de l'indépendance de nos commissions, il y a tous ces problèmes-là qui se posent presque de la même façon partout. Et si nous échangeons des expériences, nous pouvons améliorer notre façon de faire. Donc c'est pour ça qu'une association comme celle-ci va nous permettre d'apprendre les uns des autres, de tirer des leçons et de nous améliorer. Mon engagement en tant que le nouveau président du réseau des organes de gestion des élections de l'Afrique centrale, c'est celui de permettre à ces réseaux de s'établir. Vous savez, une structure, c'est comme un enfant. À la naissance, on ne peut pas laisser la structure comme ça. Il faut avoir des animateurs qui vont mettre en place la politique de l'institution afin de l'asseoir. Parce que vous savez, notre vision, c'est celle d'asseoir la démocratie dans nos pays à travers des élections crédibles, transparentes, apaisées. Donc la vision, c'est celle-là, c'est de partager les expériences avec nos collègues pour apprendre les uns des autres et établir un standard sous-régional de grande qualité afin que nos élections soient toujours un succès. Les autres membres de ce réseau sont Madame Sabine Ndoute Tandos, qui est le vice-président de ce réseau, en même temps vice de l'Agence nationale de gestion des élections en République centrafricaine. Le trésorier, c'est Dieudonné Bel Amogou, membre du conseil de gestion électorale du Cameroun, tandis que l'Agence nationale de gestion des élections du Tchad va occuper le rôle du rapporteur. Le Burundi est membre de ce réseau. À noter que le comité exécutif de ce réseau a un mandat de 2 ans. Le manque de moyens financiers est un défi qui handicape la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre le phénomène des enfants en situation de rue et des mendiants adultes. C'est le point de vue du président de l'Organisation de défense des droits de l'enfant Giriouja, Aimable Barandaguié, au moment où il s'observe la recrudescence des enfants en situation de rue à Amri de Bujumbura. Ce défenseur qui a suivi de près l'élaboration de cette stratégie précise que le retrait des enfants dans la rue exige des actions de prévention pour des enfants exposés à ce phénomène et de réponses pour les enfants à cette situation suivie. Cette stratégie a été élaborée en 2021 et puis adoptée par le Conseil des ministres au mois de février 2022. Et puis cette année, au mois de février, le 13 février, le gouvernement, en collaboration avec l'INSEP et les acteurs dans le domaine de la protection de l'enfance, a organisé une table ronde, donc aussi la mobilisation des financements juste pour la mise en œuvre de cette stratégie. Et actuellement, c'est-à-dire que donc, les partenaires techniques et financiers du gouvernement sont en train de mobiliser des fonds. Où on pense exactement qu'au moins cette année ou l'année prochaine, cette stratégie sera mise en œuvre. Vous savez, le phénomène des enfants de la rue, c'est un phénomène un peu complexe. Parce qu'il est lié en grande partie, si tu veux, à la pauvreté. Pauvreté des ménages, paupérisation des ménages. Il est lié aussi aux facteurs sociaux, lié aussi, si vous voulez, au caractère aussi des enfants. Ce qui veut dire que c'est pourquoi le phénomène persiste. Pour dire qu'il faut vraiment conjuguer les efforts, ce qui veut dire qu'on devrait exactement se mobiliser et voir comment trouver une solution pour ces enfants. Ce sont des routes. C'est un travail un peu complexe. et qui demande de fonds, mais aussi qui demande aussi des spécialisations, surtout par rapport à la prise en charge de ces enfants. Comme je voulais dire que ce phénomène est lié à la pauvreté, d'abord, il faut des actions préventives au niveau communautaire. Empêcher les enfants qui sont à risque donc d'aller dans la rue. Et ça, alors, il faut identifier d'abord les familles vulnérables et aussi exposées pour pouvoir donc les autonomiser donc économiquement, développer des activités génératrices de revenus juste pour ces familles, pour les renforcer. Mais aussi, il faut des actions de réponse, c'est-à-dire pour les enfants qui sont déjà dans la rue. Vous savez, il y a des enfants qui sont en âge scolaire, il faut qu'ils retournent à l'école. Il y a des enfants qui sont en dehors donc de l'âge scolaire, mais aussi qui ont besoin d'être mis, par exemple, dans les métiers. Dernier dossier de ce journal, les 33 entreprises sur 170 déposées par les jeunes des provinces Ngozi, Kayanza et Muyinga, zone d'action du PRODER, ont été sélectionnées par ce projet pour appui. Propos de Ndakijimana Evariste, responsable chargé du développement des entreprises au sein du PRODER au nord du pays. Il demande aux jeunes entrepreneurs, filles de 15 ans à 35 ans et de 18 à 35 ans pour les garçons, de déposer leur projet dans un délai ne dépassant pas 2 semaines, soit directement au bureau provincial en charge de l'agriculture ou au conseiller des communes chargé du développement, quitte à les transmettre au chef DPAE pour se éloigner du chef lieu provincial. Les détails avec Apollinaire Muzagara. Comme l'indique Evariste Ndagijimana, des projets de développement de l'entrepreneuriat rural, PRODER, le premier lot des dossiers de ces jeunes ont été sélectionnés fin mars dernier sur 170 projets, dont 82 en provenance de Muyinga, 66 d'Ngozi et 22 de la province Kayanza, 33 seulement remplissant les critères, qui ont eu 70% et plus ont été retenus. Evariste Ndagijimana parle d'un très petit effectif vu les projets d'entreprise attendus pour appui, d'où il invite les jeunes entrepreneurs dans les secteurs agro-silvopastoraux et halieutiques à compétir en déposant leurs dossiers en dehors 2 semaines pour en faire voir le deuxième lot des retenus. Leurs dossiers seront déposés, selon lui, directement au bureau du PRODER Ngozi, aux différents bureaux provinciaux en charge de l'environnement, agriculture et élevage de ces 3 provinces, ou aux conseillers des différentes communes concernées, en vue de les faire parvenir au chef-lieu de ces provinces. Selon toujours son responsable, les jeunes entrepreneurs élus seront d'abord appuyés techniquement en gestion des entreprises, puis financièrement à la hauteur de 20 000 $ par groupe de 20 jeunes. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Riku Imana pour sa parfaite collaboration technique. Dans quelques instants, vous aurez droit à la revue de presse qui vous sera présentée par Jean Bosco Douiman. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de votre zone d'écoute. Élection 2025, la CENI exige une accréditation pour tous les journalistes, rapporte le journal Iwachu. Pour la Commission électorale nationale indépendante, la carte de presse délivrée par le CNC, le Conseil national de la communication, ne suffit pas pour la couverture des élections. Il faut une accréditation de la CENI pour que les médias qui constituent un de ses partenaires soient clairement identifiés, raison pour laquelle la CENI a enseigné aux agents affectés dans différents bureaux de vote, au niveau des démembrements, la signification de l'accréditation délivrée par la CENI. Pour pouvoir donner des informations, ces agents savent que ce sont les journalistes accrédités par la CENI qui sont agréés, explique le porte-parole de la CENI, qui attire l'attention des journalistes sur le contenu du code électoral pour qu'ils fassent des reportages qui cadrent exactement avec son contenu. et François Wiseman a cité l'article 239 faisant mention des peines encourues pour toute personne physique ou morale qui annonce ou proclame les résultats d'une élection avant les organes compétents. Les réfugiés congolais de Mousseigny retournent chez eux faute de mieux, constate Net Presse. Les réfugiés congolais du camp de Mousseigny dans la province de Routana affirment qu'ils préfèrent rentrer chez eux malgré la poursuite des affrontements armés et des violences à l'est de la République démocratique du Congo pour se rendre dans les territoires d'Ofizi et d'Ouvira, rapporte son confrère. Pour ces réfugiés, poursuit ce journal, la précarité au camp de Mousseigny est insupportable. Il n'y a pas d'abri digne des êtres humains, pas d'accès aux soins de santé, l'aide humanitaire est mal distribuée. Les structures humanitaires sont saturées et ne savent pas répondre aux besoins des réfugiés. Ce quotidien en ligne fait remarquer qu'elles accueillent aujourd'hui plus de 18 000 réfugiés, alors que la capacité d'accueil est de 10 000 personnes. Revue de la presse. Les sages-femmes jouent un rôle crucial dans la réduction des décès maternels et néonatals, d'après Emeline Yiziré, présidente de l'Association nationale des sages-femmes du Burundi. Et c'était lors d'une conférence de presse organisée à l'occasion de la Journée internationale des sages-femmes qui a été célébrée sous le thème « Les sages-femmes indispensables à chaque crise ». Dans une interview accordée à l'agence burundaise de presse, en marge de cette conférence, il a indiqué que les sages-femmes ne se contentent pas seulement d'aider à la naissance, mais elles sont aussi des repères pour des milliers de femmes, surtout dans les zones rurales où l'accès aux soins est limité. Madame Yiziré relève toujours dans les colonnes de l'ABP certains défis liés au manque de ressources, notamment en équipement, en formation et moyens de transport. Elles sont également accusées et fustigées par les autorités et le public de manque de connaissances. Enfin, elle n'a pas manqué de dévoiler les défis liés à la pratique médicale où, en tant que professionnelles de santé, elles ne peuvent pas prescrire de médicaments et poser des diagnostics, ce qui limite leur pouvoir et leur autonomie. Loyer dans les marchés publics, gare à celui qui manque n'offisque qu'une preuve, titre le journal Burundi Echo. En effet, souligne son confrère, dans un communiqué publié le 26 mai 2025, l'OBR a informé tous les locataires des stands ou des échoppes dans les marchés publics qu'ils procèdent au recouvrement des loyers de ceux-ci. Lors de cette opération, il sera question de vérification de l'existence d'un contrat signé entre l'OBR et le locataire, des quittances de paiement des arriérés depuis juillet 2023 jusqu'à mars 2024 et des preuves de paiement via Inoti depuis avril 2024 à nos jours. Dans ce même communiqué, souligne ce journal, l'OBR précise que le bordereau de paiement n'est pas accepté comme preuve et que l'absence d'un de ces documents entraînera la fermeture du stand jusqu'à la régularisation. Cet hebdomadaire socio-économique estime que cette exigence de documents physiques n'est pas la méthode la plus efficace de recouvrer les loyers, à part que certains commerçants, bien qu'ayant payé, pourraient être sanctionnés injustement faute de justificatif, explique-t-il. Ce système n'est pas non plus efficace en termes de rapidité, car l'OBR doit vérifier manuellement chaque reçu, ce qui ralentit le processus. Regrette Burundi Echo. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Nduwimana. À la prochaine. Revue de la presse.